La vallée de l'Aune en transition, épisode 1, une histoire au fil de l'eau. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet BRIC, un projet européen qui s'intéresse à notre façon de vivre avec le fleuve. Il explore les manières d'améliorer la capacité des habitants de la vallée de l'Aune à faire face aux inondations, mais aussi aux enjeux climatiques et énergétiques de demain, et à entamer une transition écologique. L'Aune est un fleuve qui prend sa source à l'Ohuec, dans les Côtes d'Armor, et se jette dans la rade de Brest. La vallée de l'Aune, dans le Finistère, a vu son histoire marquée par sa présence. Il a permis son développement et l'essor d'une activité commerciale par bateau au cours des derniers siècles. Dans cette série radio, nous allons explorer les manières dont l'Aune a forgé l'histoire de la vallée au fil des siècles, comment ses crues fréquentes impactent aujourd'hui ses habitants, mais aussi comment elle peut devenir une ressource pour la transition écologique du territoire. Pour commencer, dans ce premier épisode, nous allons explorer les interdépendances établies au fil du temps entre les humains et le fleuve. Comment l'ont-ils utilisé? Et comment les activités humaines ont-elles impacté le fleuve? Tout d'abord, l'Aune a permis le développement d'une activité de transport commercial qui a apporté une prospérité économique à la région, notamment grâce à la réalisation du canal de Nantes à Brest. S'imaginer comme des hommes préhistoriques. Tristan Botcazou, de l'association La Fée de l'Aune. Et se dire que lorsqu'on doit franchir la rivière, et ben, il faut la franchir à sec. Donc c'est bien là où la mer se retire et où on a la possibilité de faire un petit pont de pierre, un passage à sec. Donc évidemment, je trouve que c'est évidemment l'endroit le plus stratégique pour pouvoir passer hiver comme été avec le flux et reflux des marées. Donc je pense que ces fonds d'estuaire sont propices aux activités humaines. Donc je pense que ça doit commencer comme ça, on va dire, l'activité humaine sur Châteaulin-Port-Launay. Et puis après, on peut également parler de ces routes justement qui ont commencé à cette époque-là et qui se sanctifient, enfin se concrétise avec l'arrivée des premiers féodaux et des passages commerciaux qui arrivent par là. Après, on peut arriver très vite à l'époque viking, où également ces villes assez riches vont attirer des prédateurs qui sont les vikings et qui vont commencer d'abord à raser les abbayes comme Landévennec et après qui vont remonter jusqu'ici. Donc c'est vrai que ce sont des poumons économiques parce que c'est des axes de passage, on va dire, stratégiques tout simplement, quoi. Donc voilà, ouais, c'est une vieille idée bretonne, je crois, qui commence en 1500 avec l'ancêtre de Kersauzon, qui comprend très bien que pour pouvoir développer, enfin exporter les marchandises qui sont à l'intérieur des terres, il est intéressant de pouvoir utiliser la batellerie. Et donc ça, ils essaient donc de remonter le plus loin possible en commençant déjà des petits morceaux de canalisation. Et puis bon, comme tout projet ambitieux, ça démarre et ça s'arrête, ça démarre et ça s'arrête. Il faut attendre Napoléon III pour vraiment donner un dernier coup de rein. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs périodes où ce sont soit des bagnards, ou soit des agriculteurs, ou soit des bagnards, ou soit des agriculteurs qui ont construit en fait le canal. Et pour finir, ce sont des contrats passés avec des agriculteurs qui permettent de terminer le canal. L'entente cordiale fait que les Anglais nous posent beaucoup moins de problèmes. Donc, ce canal intérieur, ce qui servait à faire un blocus intérieur, n'est plus utile. Donc, il va trouver encore quelques morceaux d'utilité, par exemple en amenant les matériaux pour la construction des routes, pour la construction des chemins de fer, qui vont accélérer d'ailleurs son déclin, puisque les marchandises vont pouvoir, elles aussi, maintenant être transportées par la route et par les chemins de fer. Donc il creuse lui-même sa tombe. Et le coup de grâce, ça va être la création du barrage à Guerre-les-Dents pour faire de l'électricité et pour produire de l'électricité. Et il est donc noté dans ce contrat que le prestataire, celui qui produit l'électricité, doit également mettre en place un ascenseur à bateau pour ne pas casser le canal. Mais on va dire que, voyant très bien le déclin du canal, ce prestataire, ce producteur n'a pas, on va dire, été très rapide pour construire cet ascenseur à bateau, ce qui a accéléré encore plus le déclin et qui lui a même donné le coup de grâce. Port-Launay-Châtelain, ce sont donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc des villes fonds d'estuaire et qui ont basé leur économie justement sur la rivière. Il faut savoir que ça a été, alors il faut préciser les dates, mais pour moi c'est 1750, 1800. Yannick Daniel de l'association Les Navigantes. C'était le plus gros port fluvio-maritime de Bretagne. C'est pour ça qu'il y a des très très jolies maisons avec des armateurs. Les gabarres, les goélettes, tous les gros bateaux de mer rentrent à Port-Launay, où là il y a une grosse écluse qui fait le seuil maritime, donc l'écluse qui fait 10 mètres de large par 40 mètres de long. Donc c'est une grosse écluse. Et de ce fait, Port-Launay est un bassin à flot. C'est-à-dire que l'écluse permet de maintenir le niveau d'eau à 2 mètres, presque à 3 mètres dans tout Port-Launay. Et donc il y a un linéaire de quai, il y a 5 km, 5-6 km de quai. Et tous les bateaux viennent décharger là. Donc il y a à Port-Launay, à ce moment-là, il y a des tas de sable énormes parce qu'il y a besoin de sable pour amender les terres en centre-Bretagne. Il y a du trafic, il y a beaucoup, beaucoup de trafic. Voilà. Il y a du bois, les frettes identifiées, c'était aussi du charbon qui arrivait d'Écosse, en charbon. Ils repartaient de Bretagne avec des poteaux de mine, donc du sapin, tu vois, pour étayer les mines. Donc il y avait un gros, gros trafic. Il y avait un gros, gros trafic à Port-Launay. Effectivement, même si l'âge d'or de la batellerie bretonne, eu égard à ses tirants d'eau et ses capacités de charge, c'était pas énorme, énorme, mais quand même, les péniches étaient chargées et montées à Châteauneuf-du-Fou. Et avant 1924, puisqu'en 1924, on va construire le barrage de Garlaidan, qui va couper le canal de l'Antabresse dans les côtes d'Armor. Du coup, le Finistère est un cul-de-sac. La dernière péniche bretonne au commerce à naviguer, c'est en 1948 un bateau qui transporte de l'ardoise justement et qui coule. Et tous les autres mariniers sont dit, ils nous ont promis un ascenseur à bateau pour franchir le barrage de Garlaidan, ils le feront pas. Bon. Toute la batellerie, 90% de la batellerie de Port-Launay part travailler après Garlaidan. En l'occurrence, c'est Nantes, Redon, Pontivy. Châteaulin a été la troisième ville électrifiée de France. Alain Le Guil, ancien directeur des services techniques de la commune de Châteaulin. Grâce à la rivière, grâce notamment au canal, parce que c'est le fait d'avoir les écluses que ça, on a turbiné de l'eau pour produire l'électricité, notamment à l'ancienne usine là, de Saint-Coulis. Donc quelquefois, le canal peut avoir quelque chose de positif, entre autres. Dans le blason de Châteaulin, il y a le saumon. Le saumon est quand même le poisson aussi de Châteaulin. Les Châteaulinois, à l'époque en breton, on les appelle les pénéocs, les têtes de saumon. Donc c'est vrai que le saumon a été quelque chose de très important parce que l'ouvrier agricole qui venait travailler dans les fermes à Châteaulin imposait de ne pas manger du saumon plus de 3 fois par semaine. Un Parce peu cochon, que, comme le saumon à l'époque était très. Enfin, il y avait. C'était très, très nombreux, à la limite, on donnait à manger plutôt du saumon tous les jours, et matin, midi et soir, quoi. Donc, enfin, c'est une anecdote, voilà. Sur l'Aune se trouvent aussi des bateliers, pour qui le fleuve est un lieu de vie et pour qui Port-Launay est le point de départ de grands voyages. C'est aussi autour du fleuve qu'ont lieu bon nombre de festivités, comme la fête des Trois Écluses, organisée à Châteaulin et Port-Launay depuis les années 90, qui est un festival dédié au canal et aux pratiques qui s'y développent. De nombreuses activités humaines ont donc été permises par la présence du fleuve. En parallèle, certaines de ces activités humaines, notamment agricoles, ont eu et ont toujours un impact sur lui, d'autant plus si on élargit le regard et qu'on s'intéresse à l'échelle du bassin versant. Historiquement, donc, le bocage breton était vraiment très très dense sur l'ensemble du territoire. Nora Abo, en charge du projet Bresse-Bocage à l'établissement public territorial du bassin de l'Aune. Et dans les années entre 1955 et 1975, il y a eu le remembrement agricole. Donc le remembrement agricole, c'est en fait l'action de prendre plusieurs petites parcelles agricoles et en fait d'en faire une seule. Et donc de supprimer toutes les haies qui étaient là anciennement. Pour donner une ordre d'idée, en France, durant cette période, il y a à peu près 2 millions de kilomètres de haies qui ont été donc détruites. Et du coup, l'EPAGA a fait une étude sur l'évolution de la densité bocagère sur son territoire. Et entre 1961 et 2009, il y a à peu près 50% du bocage qui a disparu. Et donc plus récemment, entre 2008 et 2020, il y a une baisse de 1% par an donc du linéaire bocager. Sur vraiment une autre solution et pas du tout à la même échelle. Nathanaël Jeune, chargé de mission inondation à l'EPAGA. On est plus sur une adaptation des pratiques agricoles et de restaurer finalement un linéaire bocager qui existait précédemment et qui joue un rôle, qui joue différents rôles et notamment un rôle dans la limitation du ruissellement et donc dans, potentiellement dans la lutte pour les inondations. Le bocage, il agit autrement. Il n'agit pas sur un stockage comme ça en cas de crue. Lui, il va plutôt agir à chaque fois qu'il pleut de manière importante. Il va venir, si vous voulez, agir sur le ruissellement. Donc en fait, il va constituer une barrière naturelle au ruissellement de l'eau dans le sens de la, qui vient couler finalement des reliefs. Et plutôt qu'elle coule très vite du haut vers le bas, elle va être freinée par ces différentes haies bocagères. Donc aujourd'hui, sur l'exploitation, il y a 9 hectares qui sont au bord du canal Châtelain. Maxime Blouet, éleveur à Lauté. Qui sont potentiellement humides selon la pluviométrie annuelle. Il faut savoir que sur Lauté, il y a environ entre 1000 et 1200 mm par an. Arrivé au mois de novembre, quand les sols sont saturés en eau, donc ils ne peuvent plus à absorber, l'eau va s'accumuler et donc le canal va monter. Fonction des marées, parce que donc le canal part de Brest pour aller jusqu'à Nantes. Et quand ça arrive en hiver, le canal déborde. Donc nous, ça ne nous pose pas de problème parce que l'exploitation est surélevée de 20 mètres, voire même plus, donc on n'est pas impacté au niveau des bâtiments, au niveau de la structure. Après, les prairies, oui, elles sont impactées, elles sont inondées. Pour aller en barque dans la prairie. Vraiment, les pouvoirs publics ont pris conscience que ces zones-là ont été inondables dans les années 70, 80, 90. Et se sont rendus compte qu'il fallait faire des choses. Donc la première chose, c'est déjà de garder ces zones-là en herbe, parce que l'herbe ferait mieux l'arrivée de l'eau, parce que c'est une culture qui est vivante toute l'année, donc qui absorbe de l'eau, alors que si le terrain est nu, ou si c'est une culture d'hiver, ou si c'est un couvert, n'absorbe pas la même chose. C'est pas la même biomasse, que ce soit en terre ou au-dessus. Il y a déjà ça. Il faut tout savoir que quand il y a eu le remembrement, sous Edgar Pisani, on a fait un peu n'importe quoi. C'est que s'il y avait des talus dans le temps, c'est que ça servait à quelque chose. Donc ces talus-là, ces servaient aussi à arrêter ces surplus d'eau en hiver. Donc les pouvoirs publics se sont mis à les remettre, donc à les subventionner. Après, naturellement, les agriculteurs se sont rendus compte qu'à un terrain nu, quand il n'y avait pas de talus, la culture partait. Donc on les a remis aussi, quoi. Pas partout, mais c'est en train de revenir. Et c'est revenu. Et on voit déjà le bénéfice. Rien que. Enfin, moi, je le vois déjà sur des terrains où il n'y avait plus le talus, où j'avais 5-6 ans, et le talus a été remis il y a 5 ou 6 ans. La culture est beaucoup plus pérenne, quoi. Il y a moins de dégâts. Je pense que c'est intéressant. Aujourd'hui, on s'intéresse à la fonction aussi agricole dans l'atténuation au changement climatique et que l'agriculture ne soit pas un problème, mais plutôt aussi une source de solution. Jean-Hervé Cogan, président de la Chambre d'agriculture du Finistère et éleveur à Dinéo. Et je pense qu'on a besoin, de par nos convictions et nos capacités, à être perçus comme source de solution que comme un problème. Et il faut justement que le dialogue ait lieu et que chacun soit contributeur pour trouver les solutions les mieux adaptées pour maintenir une agriculture riche, dynamique et rentable. Et puis en même temps, qu'elle contribue à sa vocation agricole comme elle est. Qu'elle soit source de solutions pour le climat. Okay. Donc les innovations faisant partie des risques climatiques. Nos connaissances actuelles sur l'évolution du changement climatique et l'impact sur les crues sur le bassin de l'Aulne, ça reste de la prévision, qui n'est pas forcément évidente à mettre en œuvre et évidente à interpréter aussi. Donc, il faut aussi prendre avec des pincettes. En termes de... En fait, il faut aussi avoir en tête les paramètres qui vont déclencher une crue. Quand on a une inondation importante, en tout cas une crue de l'Aulne sur le bassin versant, il y a plusieurs paramètres qui vont pouvoir jouer dans cette crue. Le premier paramètre, ça va être la pluviométrie. Donc c'est combien d'eau il tombe sur l'ensemble du bassin versant, et notamment sur les points les plus hauts du bassin versant, qui sont les points qui reçoivent le plus d'eau sur toute une année. Ça va être aussi en fonction de la quantité de pluie qui a été reçue précédemment, parfois dans les mois qui précèdent, parfois même sur l'année précédente. Parce qu'en fait, plus les sols sont gorgés d'eau, plus les nappes sont pleines, plus ils vont réagir vite et la crue va pouvoir et plus la crue risque d'être importante. Donc, il y a aussi ce paramètre qui peut jouer. Ensuite, sur l'ensemble du territoire, il peut y avoir plusieurs obstacles à l'écoulement ou non qui vont aussi jouer un rôle dans l'évolution de la crue. Je parle tout simplement la pluie qui va tomber sur du goudron ou un espace en tout cas qui est imperméabilisé va potentiellement très rapidement ruisseler et aller directement vers le cours d'eau. Alors que de la pluie qui tombe sur un espace boisé par exemple va prendre plus de temps, va s'imprégner un peu plus dans la terre et du coup va moins ruisseler et moins impacté sur le court terme, si vous voulez, le cours d'eau. Donc ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. C'est-à-dire à l'échelle du territoire, plus on a de surface imperméabilisée, plus on va entraîner un ruissellement important. Par exemple, je ne rentre pas complètement dans les détails, on pourrait rentrer plus tard, mais voilà, il y a vraiment plusieurs paramètres. Et puis un autre paramètre qui va beaucoup jouer, c'est la marée à l'exutoire. Plus on a une marée importante, avec peut-être une surcôte de tempête en plus, moins l'eau va pouvoir s'évacuer. Donc plus on risque d'avoir une inondation importante au niveau de l'aval du territoire. Donc ça, c'est vraiment plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Et dans le changement climatique, ce qu'on appelle changement climatique, c'est finalement l'évolution de la température à l'échelle globale de la planète. Peut avoir à jouer un rôle dans l'ensemble de tous ces petits paramètres. Mais c'est difficile de se projeter et de dire oui, ça va modifier la pluie, oui, ça va modifier les ruissellements parce qu'il y aura moins d'évaporation ou plus d'évaporation, oui, ça va modifier le niveau marin. Enfin, c'est assez difficile de se projeter aussi loin. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est qu'en réchauffant l'atmosphère, on réchauffe aussi l'eau. Et on réchauffe l'océan. Et donc, indubitablement, on va forcément avoir une évolution du niveau marin avec une augmentation du niveau marin. Et ça, on l'observe déjà depuis quelques années. Donc ça, c'est un paramètre qu'on connaît, qu'on sait qu'il va évoluer. On ne sait pas exactement à quelle vitesse. Il y a différentes projections du GIEC, le groupement international d'experts sur l'évolution du changement climatique, mais qui nous permet d'avoir des prévisions à plus ou moins court terme de l'évolution du niveau marin. Nous avons donc un territoire dont le développement est intrinsèquement lié à la présence du fleuve et où l'activité humaine a influencé son cycle de vie. Le changement climatique et les changements du paysage depuis le remembrement agricole d'après-guerre augmentent le risque de crue. Mais alors, que se passe-t-il au moment des crues? Comment s'adapte-t-on? C'est ce que nous explorerons dans le prochain épisode. La vallée de l'Aulne en transition, épisode 2, quand le fleuve déborde. Dans cet épisode, nous nous intéressons aux manières dont les inondations impactent la vie des habitants et aux manières de gérer les moments de crise, d'autant que ces épisodes ont été fréquents sur les 50 dernières années. Bon, les crues de l'Aulne jusqu'aux années, les années 25-26. Alain Le Guil, ancien directeur des services techniques de la commune de Châteaulin. C'était les dernières crues connues avant-guerre. Et la première crue, donc d'après-guerre, s'est déroulée en 1966 et qui était une crue, entre guillemets, normale de l'Aulne, où bien souvent l'eau rentrait le soir, restait

avec tout ce qu'on peut voir comme, comme catastrophe climatique, inondations, incendies, etc. Oui, ça interroge. On l'a compris, les crues de l'Aune sont des événements marquants qui nécessitent une bonne préparation et une certaine connaissance du risque. Dans le prochain épisode, nous allons élargir le regard et voir que l'Aune n'est pas qu'un danger potentiel, mais aussi une formidable ressource pour la transition du territoire. La vallée de l'Aune en transition, épisode 3, quelle vallée pour demain ? Dans les épisodes précédents, nous avons vu que l'Aune a permis le développement de toute sa vallée à travers l'histoire, et qu'il traverse des épisodes de crues auxquels il est important de se préparer. À un niveau plus global, de nouveaux usages du fleuve peuvent être envisagés pour en faire un moteur de transition écologique. En effet, le contexte de changement climatique nous encourage à questionner nos modes de vie et de consommation. À partir de là, l'Aune est peut-être aussi un levier pour la transition du territoire, pour y inventer des manières nouvelles ou en réhabiliter des anciennes, de produire de l'énergie, de transporter des biens, etc. En même temps, les travaux universitaires mettent en avant que la capacité des communautés locales à faire face, à rebondir, à s'adapter quand arrive une catastrophe, comme une inondation, est d'autant plus importante que le vecteur de cette catastrophe, en l'occurrence l'Aune, est intégré comme un atout dans la vie du territoire. L'Aune pourrait donc redevenir, dans les prochaines années, un levier pour dynamiser le territoire en contribuant à sa transition. À un premier niveau, l'Aune est un facteur de lien social, qui forge une identité commune encore aujourd'hui. Or, avoir conscience de faire partie d'une communauté humaine, connaître ses voisins, être capable de s'entraider, sont parmi les principaux déterminants de la résilience. Nous ne sommes pas toutes et tous égaux face aux inondations. L'âge, la situation familiale, le niveau de revenu sont des facteurs déterminants de la vulnérabilité des personnes. De ces facteurs dépendent les ressources à notre disposition pour s'adapter à l'instant T, mais aussi la rapidité à nous remettre d'un épisode de crue. La solidarité est un ingrédient d'autant plus essentiel de la résilience, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. Christian Dubreuil, référent famille au centre social Polissonnance de Châteaulin, nous présente les dynamiques sociales du territoire et fait apparaître l'opportunité d'accueillir de nouveaux habitants pour y développer des projets, renforcer les liens et valoriser l'existant. Châteaulin fait partie de ces territoires, malheureusement, où il y a beaucoup de retraités. Alors, pas malheureusement, mais en fait, c'est un peu vieillissant. On voit les écoles, il y a des fermetures de classes, ça ne se renouvelle pas. Il y a un équipement en forme, mais c'est pas là où il y a le vent en poupe, entre guillemets, en termes de la population. Après, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de brassage dans ces territoires-là. Et je pense qu'il y a la matière grise qui arrive aussi. Ben, le confinement va avoir un effet très positif, à mon avis, sur des gens. Là, j'ai eu l'expérience d'un couple de Lyon qui est arrivé sur Châteaulin. Suite au confinement, ils voulaient passer au vert, entre guillemets, et qui arrivent. Et là, c'est, on va dire, c'est des gens très sociologiquement très diplômés qui arrivent. Et ça, c'est suite au confinement. C'est pas le genre de truc, il y a 10 ans, j'aurais pu en parler. C'est vraiment des... Donc, il peut avoir aussi, lié à ce qui a été vécu, des liens. Ça peut développer, on va dire, des choses positives ou des rencontres. Parce qu'il y a quand même un territoire très riche. On a tout pour être heureux, ici. Et ce qui est triste, c'est que quelquefois, c'est juste le plus simple, c'est-à-dire pouvoir se voir. Et il n'y a pas forcément beaucoup de lieux ouverts, en fait, aujourd'hui. Avant, culturellement, il y avait des lieux. Alors, j'ai schématisé, mais je dirais qu'il y a l'église qui rassemble énormément, mais ça crée du lien. Il y avait toute la religion qui crée des événements dans les familles, qui crée du lien. Aujourd'hui, c'est un peu désuet, où les familles sont éclatées, voilà. Et il y avait aussi des grands événements. Châteaulin, par exemple, il y avait en septembre la fête de la moisson, et qui regroupait 3000 personnes. Il y avait des bars tous les 20 mètres. Enfin, c'est, a priori, c'était tous les agriculteurs du territoire qui faisaient la fête de la fin des moissons ici, quoi, en fait. Enfin, c'était un rendez-vous avec la course de vélo. Et donc, c'est le critérium de Châteaulin était réputé. C'était après le Tour de France. Il y avait des élites qui venaient ici. C'est plutôt vu comme, en plus avec le confinement, vraiment vu un lieu de bucolique où on se promène. Hein, vraiment le côté de promenade. Et puis, on a... Alors très bizarre, on a une manière d'être sur, quand on se promène le long du halage qui est différente que quand on se promène dans le centre-ville. On se dit bonjour sur le long du halage. Tous les promeneurs le disent et il y a une certaine connivence, on va dire. Il y a un respect d'être là, on respecte le lieu. Bah, c'est un côté un peu hors du temps parce que ça vieillit pas en fait, c'est toujours pareil. Et du coup, c'est plutôt, alors on va dire, pour moi, c'est vraiment un atout. Ensuite, la reconstitution d'un paysage de bocage, en plus de diminuer l'intensité des inondations, est un facteur de préservation de la biodiversité et offre des abris aux auxiliaires de culture pour une agriculture plus durable. Donc, pour essayer donc de pallier à cette diminution des haies. Nora Abo, en charge du projet Braise Bocage à l'EPAGA. En 2007, il y a le programme Braise Bocage qui a été mis en place. Donc c'est un programme qui vise à la reconstruction et à la restauration des haies bocagères sur l'ensemble du territoire breton. Il consiste à travailler en fait avec les agriculteurs pour proposer des projets bocagers pour vraiment reconstituer les bocagères dans les parcelles agricoles. Nous, sur le territoire, on a commencé à travailler avec le programme Braise Bocage à partir de 2014. Il y a à peu près 30 km de haies sur talus qui ont été reconstituées. Donc nous, notre objectif principal, c'est vraiment de reconstituer des talus dans le sens inverse de la pente pour vraiment ralentir les écoulements. Comme on a un rôle dans la gestion de l'eau, on veut vraiment jouer sur ce paramètre-là et travailler sur cet aspect-là avec les agriculteurs. Donc voilà, et on a aussi mis en place en fait une stratégie à l'échelle du territoire pour prioriser les zones qui vont être les plus importantes à restaurer, où on va restaurer les haies bocagères. Donc en fait on a croisé plusieurs paramètres, donc notamment la pente qu'il y a sur le territoire, la densité bocagère déjà existante, la connectivité des haies entre elles, et aussi l'occupation de sol. Plus on va avoir en fait des haies, des communes avec des prairies permanentes, mieux ça va être en fait pour l'intégration des haies. C'est vrai que le bocage, il a beaucoup de rôles en fait. En Bretagne, on parle beaucoup des haies sur talus et donc de la limitation du risque érosif, mais le bocage, il était historiquement utilisé avec les agriculteurs pour faire un rôle de brise-vent. Ça va permettre pour le bétail qui s'abrite par exemple derrière les arbres et qui du coup il soit vraiment protégé. Et sinon pour les cultures, ça va faire vraiment un effet brise-vent et ça va faire un microclimat autour de la haie et du coup la culture aura un meilleur rendement par la suite. Et pourtant on va dans la biodiversité. Que ça soit sur les différentes strates de la haie, parce que la haie, du coup, il faut prendre le premier étage, ça va être les herbes, les espaces herbacés. Ensuite, il y a les arbustes et ensuite, il y a les arbres. Et du coup, ça va faire plein de différents habitats pour différents animaux, que ce soit des oiseaux, des mammifères, des insectes. Ça va être un lieu de reproduction, de refuge. Enfin, développer de nouveaux usages ou réhabiliter des anciens peut soutenir un développement durable du territoire compatible avec la transition écologique et la sobriété énergétique. Ainsi, réhabiliter la production d'énergie ou le transport commercial pourrait permettre de faire du fleuve un atout pour un fonctionnement du territoire plus sobre en énergie. Cette utilisation nouvelle aura pour effet collatéral une meilleure connaissance du fleuve et donc une meilleure préparation aux inondations. Tristan Botcazou de l'association La Fée de l'Aune et Yannick Daniel de l'association Les Navigantes nous parlent de leurs projets respectifs sur l'Aune. On sait qu'il y a un potentiel de fou, quoi. Tristan Botcazou. Voilà, c'est-à-dire que même, voilà, on est parti sur d'ici à Brest, mais il y aurait sûrement des choses à faire d'ici à... D'ailleurs, on avait participé à la construction du Stéravel, il y a une gabarre au Sablé de la Loire qui a été construite en 2017. Et nous, on s'est impliqués dans ce projet. On n'a jamais pensé à concurrence, on s'est dit non, il y a complémentarité, il y a synergie. Et on s'est dit non, on va remonter du monde et on va permettre aussi aux gens qui vont débarquer de pouvoir monter dans une gabarre et de monter 3 ou 4 écluses. Et après, ils vont partir en vélo, ils vont repartir. Et on avait encore un autre projet qui était en fait les gens arrivaient en vélo jusqu'ici. Et nous, on a fait des repérages de l'autre côté, donc du, de l'Aulne, donc rive gauche, en face du Quiliglas, et on a trouvé un chemin de randonnée et cycliste, carrossable, on va dire, jusqu'à Landévennec. Et donc cette gabarre aussi, cette petite gabarre de la Loire, a très bien pu, deux fois ou trois fois par jour, embarquer des vélos, les faire traverser rive gauche et les envoyer sur... voilà. Donc voilà, on essaie de repartir avec ces bateaux qui sont des bateaux de transport pour faire du transport de marchandises à la voile. On imagine que Brest serait peut-être le meilleur endroit pour décharger les marchandises, mais il n'est pas dit qu'on pourrait peut-être pas utiliser aussi Châteaulin, comme on le disait tout à l'heure, stratégiquement bien placé pour sa capacité à pénétrer dans à peu près tous les endroits. On est à quoi ? Une demi-heure de Quimper, une demi-heure de Carré, une demi-heure de Brest, pour justement décharger des marchandises, on va dire, à haute valeur ajoutée, hein, comme le vin ou le whisky, ou tout un tas de choses qui peuvent intéresser. Voilà. Donc on est en train de monter le projet, donc de complètement changer de perspective. En plus, ces bateaux ont été vraiment faits pour aller au plus près des marchandises, aussi bien dans le chargement que dans le déchargement. C'est des bateaux, par exemple, qui étaient capables d'aller à l'île de Sein pour la fée de l'Aulne avec 100 tonnes de sable et d'échouer avec 100 tonnes de marchandises à bord. Donc, on imagine la robustesse de ces bateaux. Donc, voilà, repartir sur cette capacité à aller très près d'une distillerie, par exemple, en Écosse, et de pouvoir revenir très près d'un centre Leclerc ou d'une zone de distribution, tout ça à la voile, quoi. Après, j'avais un peu de temps et je me dis, tiens, je vais faire un état des lieux de la Bretagne fluviale. Yannick Daniel. Avec un inventaire, avec en objectif secondaire, trouver une petite péniche bretonne, la ramener et la remettre à l'eau. Voilà, c'est 2008, c'est beaucoup de papier. Du coup, je sillonne la Bretagne de Nantes à Saint-Malo, en passant par toute la Bretagne, quoi, l'Orient, le Blavet, tous les canaux. Et à ce moment-là, je rencontre la région Bretagne qui me dit « Mais c'est vachement bien ce que vous avez fait, M. Daniel, parce que vous avez dressé un inventaire et on n'a pas. » Et moi, je dis « Mais je dresse un inventaire parce que d'abord, je trouve que c'est sous-exploité, qui a un potentiel de développement touristique assez dingue à faire. Et c'est au moment où la région Bretagne initie la régionalisation de la voie d'eau. C'est-à-dire que jusque-là, les différents canaux étaient gérés par les départements, plus ou moins, avec plus ou moins de budget. Et la région Bretagne cherche à développer sa deuxième économie, qui est le tourisme, et dit « Le littoral est complètement équipé, on ne pourra pas faire plus, et on va essayer de gagner des parts de marché dans le tourisme fluvial. » Donc ça, c'est réflexion, valorisation de la voie d'eau. Donc ça, c'est des documents que j'ai imprimés et que j'ai diffusés auprès des politiques, la région, les conseils départementaux. Et la région Bretagne m'a dit « Mais écoutez, vous êtes dans le Finistère, il est possible qu'un jour, la région Bretagne prenne la gestion du Finistère et ça nous intéresserait si vous pouvez faire un focus un peu plus détaillé sur le Finistère, potentiel et potentialité, patati patata. » Donc j'ai pris ma bicyclette et j'ai fait le canal de Nantes à Brest dans le Finistère en vélo, en bagnole et aussi un peu en bateau pour voir un peu de quoi il s'agissait. Et j'ai présenté ce dossier à Pierre Maille, qui était le président du conseil départemental du Finistère, en lui disant « Écoutez, c'est pas compliqué, c'est une voie d'eau magnifique, 90 km, 45 écluses, il n'y a plus aucune navigation, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est un carnal. » Et ma marotte était de dire « si on veut sauver le canal, il faut absolument ramener l'outil identifiant, et l'outil identifiant, c'est la péniche bretonne, en l'occurrence la péniche bretonne. » Voilà. Donc je me suis un peu bougé pour trouver une péniche bretonne que j'ai trouvée à Roscoff et je l'ai ramenée en bordure du canal et de ce fait à Port-Launay, voilà, pour mettre en chantier, parce qu'il y avait pas mal de boulot à faire dessus, mettre en chantier, continuer à rencontrer les élus et dire voilà, on va naviguer sur le canal parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire la promotion et il n'y a plus de navigation, c'est assez... je comprends pas. Et j'ai quelques copains, dont un ami notamment, qui m'a dit « Écoute, t'es tout seul, on va monter une association avec une équipe de bons copains et de copines, et on va développer le truc et on va t'aider. » Donc, et ça, c'est la création de l'association des navigantes. Donc ça, c'est 2016. Voilà. Et les navigantes, la vocation des navigantes, tu as lu la bâche, c'est effectivement ramener l'outil identifiant, faire la promotion du canal, pour le compte du département, dans un premier temps, de faire un état des lieux technique, vraiment technique, en disant, bon, si la péniche passe, tous les autres bateaux peuvent passer, et avec tout un tas de gags, parce qu'il y a de l'envasement, il y a des ports d'écluse qui ne marchent pas, mais on a fait un rapport très détaillé avec des techniciens sur ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut faire urgemment ou pas urgemment. Voilà, donc ça c'est 2017. Et 2017, on crée un raid fluvial. Donc ça, c'est la première route de l'Ardoise. La route de l'Ardoise, c'est la Patricia devant, une quinzaine de petits bateaux fluviaux, et on décide sur deux jours d'aller à Pont-Coblanc. Alors, Pont-Coblanc, c'est Plébin, c'est 10 écluses. Donc là, c'est 5 écluses par jour. On y va tranquille, on passe 5 écluses, voilà. Et du coup, route de l'Ardoise, première remontée 2017, et la Patricia, elle continue jusqu'à Carhaix. Voilà, et donc c'était la première fois depuis, je sais pas, 50 ans, 60 ans, qu'une péniche bretonne arrivait. En l'occurrence, on est arrivé, pas sans difficulté, mais on est arrivé à Carhaix. Et apparaît, couverture presse chouette, les médias, la sensibilité, la sensibilisation, tout ça c'est parti, voilà. On close, on s'aperçoit qu'il y a un gisement de bois extraordinaire sur le contre-halage. Alors le contre-halage, le halage, on peut venir avec des camions, des engins, ça va. Le contre-halage, c'est en face, ce sont des zones humides et il y a plein de bois partout. Donc on ne peut pas intervenir avec des gros camions, des 4x4, des tracteurs. Donc il faut trouver une manière de valoriser ce bois, de le transporter, etc., etc., de manière un peu light. Et on revient là à l'agenda 21. Et le 4 octobre, là, cette fois-ci, là, c'est donc le 4 octobre, on va, pour le compte de la région Bretagne, faire notre premier chargement de bois qui a été coupé, qui est sur le halage. Et donc, la suite de ça, c'est, oui, on va faire du transport fluvial en Bretagne. On va refaire du transport fluvial en Bretagne. Sur le bois, on a une filière bois-énergie. Voilà, pour la région, c'est pas mal, parce que la région, ils disent, c'est le bois du canal. Donc le bois du canal, avant, on coupe tout, on fait des copeaux, on laisse pourrir dans les talus. Maintenant, la politique de la région par rapport à ça, c'est si on a du frêne, des grumes qui sont assez jolis, plutôt que les broyer ou faire du bois de chauffage, on les valorise, on les met en bille, on les met en plateau, et on s'en sert pour qui refaire les bancs ou les volets des maisons d'éclusières. Voilà. Mais sur tout ce qui est inférieur à 20 cm ou 15 cm de diamètre, qui sont du bois qu'on peut difficilement exploiter, là, il y a la volonté de développer une filière plaquette, donc du broyage, et de se rapprocher des collectivités locales qui doivent chauffer, qui une piscine, qui un des logements sociaux, voilà. Donc, il y a 20 ans, on n'en parlait pas parce que dans une péniche bretonne, on met 10 camions, voilà, bon. 10 camions, il y a la rupture de char, donc les gars ont dit, bon, on arrête les péniches, on fait tout ça en camion, et puis ça roule. Bon, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes de consommation, un camion, c'est 30-40 litres à l'heure, pour 12 tonnes, 13 tonnes de charge, grosso modo. En péniche, on ne va pas à 80 km/h, mais quand on a consommé 20 litres pour 50-60 tonnes, c'est le maximum. Donc, il n'est pas question de livrer du camembert, mais il est question de au niveau rentabilité, au niveau écologique, c'est formidable. Même si ce sont des moteurs diesel, Patricia, elle pèse 45 tonnes, j'ai un moteur de 1954 et je consomme 5-6 litres de gasoil par heure. C'est peanuts. Depuis notre échange avec Yannick Daniel, l'expérimentation du transport de bois de berge a été concluante et 175 mètres cubes de bois ont été récupérés et transportés en 3 jours par une péniche. Les navigantes continuent d'explorer la possibilité de créer une filière de bois labellisée à exploiter en circuit court par des artisans locaux. Les navigantes ont également mené une étude sur la mise en place d'une mini-centrale hydroélectrique sur le fleuve. Ce projet-là est en pause pour des questions de continuité écologique et de préservation des espèces de poissons. Affaire à suivre donc. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet BRIC, porté par le CEREMA et 7 autres partenaires. Il est soutenu par l'Union européenne et financé par le biais du Fonds européen de développement régional. Il se déroule dans 8 territoires, en France et en Angleterre. La vallée de l'Aune, la vallée de la Risle,